The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To speak. Parler. Like that. Comme ça. Husband. Le mari. Brother. Le frère. To bring. Amener. To try. Essayer. At this hour. À cette heure-ci. Now, a bit faster. Like that. Comme ça. At this hour. À cette heure-ci. Husband. Le mari. Like that. Comme ça. To bring. Amener. To speak. Parler. To bring. Amener. At this hour. À cette heure-ci. To try. Essayer. To speak. Parler. To try. Essayer. Husband. Le mari. Brother. Le frère. Now, use the words in context. Parler. Talking to someone could help you. Parler à quelqu'un peut vous aider. Comme ça. I'm like that. Je suis comme ça. Amener. I brought a cake for my grandfather. J'ai amené un gâteau pour mon grand-père. Essayer. Good luck arriving on time with that traffic. Essaie d'arriver à l'heure avec cet embouteillage. À cette heure-ci. At this hour, the children are already asleep. À cette heure-ci, les enfants sont déjà endormis. À cette heure-ci. At this hour, the children are already asleep. À cette heure-ci, les enfants sont déjà endormis.